Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Dolbeau-Mistassini et Normandin. On va parler des Saguenay de Chicoutimi avec, avec un joueur de Mascouillage. On fait le tour des joueurs du comté Robertval qui sont à un camp d'une équipe junior. Et là, on va parler avec Mickey Sume Awashish, qui a été le choix de la quatrième ronde des Saguenay au dernier repêchage. Donc, pour savoir, afin de savoir comment ça va, finalement, au camp d'entraînement, on lui parle. Bonjour, Mickey Sume. Ben, bonjour, premièrement, merci pour l'entrevue. C'est moi qui te remercie. Hey, Mickey Sume, comment ça va? Ça va super bien. Toute la nouvelle chambre, les installations, tous les services qu'on a, tout l'entourage de l'équipe, les dirigeants, puis les membres du personnel, tout ça, tout est vraiment super. On est vraiment bien traité. Ça, ce niveau-là, j'ai rien à dire. Et même sur la glace, c'est le fun. L'ambiance est bonne entre les joueurs. Puis pour moi, personnellement aussi, mon camp va très bien. Je suis satisfait de mon travail. Ben oui, si on parlait de ton camp jusqu'à maintenant, t'es content jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va selon tes attentes? Oui, moi c'est sûr, même ça va au-delà de mes attentes. Je m'attendais pas à ce que ça aille autant bien que ça. Je vous dis, je savais que j'avais le potentiel, tout ça, mais tu sais, pour que ça aille aussi bien que ça, fluidement, tout ça, puis surtout je reste dans mon rôle, je fais pas de rien de compliqué. Je reste dans mon style de jeu, je fais ce que j'ai à faire, puis justement ça marche très bien. Puis je vais continuer là-dessus puisque ça, je suis très satisfait. OK. Mickey Sume, est-ce qu'on te met dans des conditions gagnantes? Parce que souvent une recrue, là, c'est souvent ça qui on n'a pas toujours l'occasion de se faire valoir. Est-ce que dans la manière que Yannick t'amène, est-ce que c'est winner pour toi? Oui, c'est sûr que moi je vois ça du côté positif. Écoute, c'est sûr que dans le camp, vous dites, il n'y a pas de première, deuxième, troisième ligne, les trios roulent. Ouais. Puis je touche toutes les unités, je veux dire unité spéciale, que ce soit powerplay piqué. Après ça, j'ai eu du bon tas de jeux. Pour les games, au camp des recrues, j'étais sur le powerplay, j'ai fait le tour aussi sur le désavantage numérique. Puis ensuite, c'est ça, je fais vraiment le tour. On voit qu'il y a des choses, puis je fais partie, il brosse la soupe, là. J'étais un ingrédient dans la soupe, là. OK. Mickey Sume, est-ce que tu as confirmé que tu allais jouer un match au concours et le match de vendredi à Dolbeau-Mistassini, est-ce que c'est confirmé aussi que tu vas jouer? Non, ça c'est pas confirmé. Il y a des coupures demain. Les coupures, en fait, je suis pas vraiment au courant. J'ai entendu dire qu'il y avait des coupures demain avant midi, mais dans mon cas, Yannick m'a confirmé ce matin qu'il me faisait pas jouer ce soir à Bécomo, okay. Mais qu'il allait me faire jouer demain soir, mercredi soir à Chicoutimi contre Bécomo pour le match retour. OK. Donc, pour toi, là, t'es pratiquement assuré de faire la première coupure, là. Je veux dire, de pas passer au coup près de suite, là. Ben, en théorie, s'il y en a une demain, en théorie, oui, parce qu'il m'a confirmé que je jouais ce soir. Mais surtout, je crois que la coupure de demain touche surtout les joueurs du cégep, parce que le cégep est commencé. Puis moi, je suis encore en secondaire, je vais en voir secondaire 5. Moi, ça me touche pas. Donc, c'est ça, pour que les joueurs du cégep peuvent se placer, s'ils ont quitté l'équipe, il faut qu'ils se trouvent un autre cégep rapidement, puis quoi que ce soit. Ouais. Mais Mickey Sume, est-ce que vraiment, mais pour vendredi, il est encore trop tôt pour savoir si tu vas jouer? Oui, il est encore trop tôt pour savoir si tu vas jouer. C'est sûr, moi, j'aimerais ça. Ben oui, c'est le haut du lac. Le haut du lac, c'est ça, puis c'est vraiment le fun. C'est sûr, j'ai tout fait pour me rendre jusque-là, mais il n'y a rien de confirmé encore. OK. Dis-moi, comment tu t'es préparé tout au long de la saison? Le long de la saison estivale? Oui, c'est ça. Ben, écoute, moi, je me suis entraîné à Chicoutimi avec mon agent. Je vivais là 5 jours semaine. J'arrivais là dimanche soir, je repartais jeudi, midi, jeudi soir. Après ça, ça fait 4, ça, je pense. Ben, 4 et demi. Après ça, je m'entraînais à Chicoutimi 2-3 heures par jour l'avant-midi. Après ça, j'étais en gym. Après ça, lever poids, halter, après ça, en gymnase, l'agilité, quoi que ce soit, des sprints, on faisait de la course, on allait sur la patinoire aussi une fois par semaine. Après ça, c'était vraiment quelque chose d'intense. Les fins de semaine, je revenais chez moi, par exemple. Okay. C'est toujours bon d'avoir aussi, de déconnecter, là, d'avoir, d'aller se faire beurrer tôt chez nous par ma mère puis tout ce soir. Ouais, oui. Là, si tu fais pas l'équipe, tu arrives quoi? C'est les élites? Oui, c'est les élites m'attendent, puis moi c'est sûr je vais tout faire pour rester en haut, comme on appelle, là, mais moi je vois pas ça comme une défaite de retourner dans les élites. Mais on va avoir une belle saison qui nous attend. Il y a une belle saison qui nous attend. OK. Choix de quatrième ronde pour une équipe qui est quasiment en construction, ça augure bien pour toi pareil. Hein? Si tu fais pas l'équipe, si tu fais pas l'équipe, t'as des grosses chances à tout le moins d'impressionner là. Ouais, c'est sûr. Ça me place en bonne position, mais tu sais, comme arrivé au camp, il n'y a pas un joueur qui est traité d'une autre façon, d'une meilleure façon qu'une autre. Là. J'ai vraiment, notre ronde n'est pas marqué sur le chandail, fait qu'il faut vraiment travailler comme la même façon qu'un gars qui est repêché soit en première ronde ou ben en 12e puis 14e ronde. Fait que c'est pour moi, je suis conscient que j'ai des bonnes chances et j'ai passé l'étape du camp des recrues, tout ça. Mais tu sais, je considère pas que mon travail est fait. Je continue à travailler pour aller plus loin encore. OK, OK. Là, donc, tu vas jouer au cours de la fin de semaine. Tu trouves-tu que c'est quoi la plus grosse différence entre le midget, les élites et le junior? C'est la vitesse d'exécution, j'imagine? Oui, c'est évidemment la vitesse d'exécution, mais aussi pour vrai, les gars sont beaucoup plus. Sont plus vieux, mais sont beaucoup plus gros, là, ça paraît. T'sais, dans un coin de bande, ça y va plus que dans le midget. Puis oui, il y a ça aussi, l'exécution est pas mal rapide. OK, donc c'est ça. Ben, monsieur, on va te souhaiter la meilleure des chances. On espère évidemment, on va te suivre de très très près, toi et Charles Tremblay, Jérémy Fortin également. Ça commence à faire pas mal... Des bons représentants. Ça commence à faire des bons représentants, donc on se reparle très très prochainement. Parfait. Michium Awashish de Mastouillache qui est au camp des Saguenayens de Chicoutimi.